Anglefort, autour de 18h, le 11 septembre 2019, à côté d'un banc près de l'église. Je suis à l'ombre. La montagne des Princes en face est au soleil. J'écoute l'usine Ferrochrome et les enfants en train de jouer sur le stade.